ce jour une rose de Noël. Un rouge dans le monde blanc, Noël, Noël. Une joie nouvelle est montée du ciel, une rose de Noël. Portant ce soir tous nos espoirs, Noël, Noël. Marchons dans la neige, l'amour nous protège. Marchons dans le vent glacé. Viens, je te propose, viens cueillir la rose pour faire un bouquet de paix. Au jardin d'amour a fleuri ce jour une rose de Noël. Portant ce soir tous nos espoirs, Noël, Noël. Portant ce soir tous nos espoirs, Noël.